Christophe, que c'est bon. Christophe, c'est merveilleux. Il y a une expression chez nous, là, madame, vous saviez pas, hein? Parce qu'elle vient de Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, le Québec, ce qui est plaisant chez nous, là, je suis très heureux de le dire souvent, c'est notre coloration, nos expressions, notre belle parlure. Christophe, ça veut dire « Dieu que c'est beau! » Mais là, en même temps, nous venons d'entendre le chanteur Christophe. Alors, double Christophe! L'exclamation Christophe en voulant dire « Saint-Simonac, diantre! » Du coup, non, pas du coup, mais c'est merveilleux! Quel auteur, compositeur, interprète mal présenté dans les circuits médiatiques, malheureusement. Mal connu. Il en a fait des tubes. Le premier, là. Quand je construis des marionnettes avec des ficelles et du papier. Il aurait pu prendre cette chanson-là et la rendre rock'n'roll. Il pourrait. Il pourrait faire un album, là, toutes ses reprises, mais en version rock. Il en est capable. Mais son dada, son grand plaisir, c'est de nous amener des atmosphères sonores. C'est vraiment un artiste, un créateur qui peaufine la sonorité, qui va chercher des bruits urbains, qui va placer ça dans ses chansons. Ah, avec des films, c'est un amateur de cinéma, ce bonhomme. Le Septième Art, il adore. Il s'est même fait voler des films, il s'en est fait saisir par le bord. Du coup, c'est une histoire abracadabra, peu intéressante pour... Non, nous, on veut expliquer ce que ce bonhomme-là peut nous donner comme vibration sonore. Chaque créateur possède un microcosme. Imaginez-vous dans le firmament, dans le macrocosme, toutes ces vedettes. C'est pour ça qu'on dit des étoiles, des stars, c'est des stars. Mais malheureusement, Christophe fait partie de ces stars moins connues, ces stars qui illuminent du côté secret. Ça me fait plaisir de le diffuser. Ça ne joue pas à grand... C'est pas de mettre de bide, hein? Non, moi, l'échelle de Richter. Richter... Quand j'ai monté mon Richter, parce que, je vais vous expliquer, là, il m'a abandonné, sans me le dire, mon Richter. Et puis, ben, en fait, je m'en suis rendu compte quand mon chat a miaulé. Moi, j'ai un petit minou. C'est tellement petit, ce petit minou-là, là, qu'on pourrait se demander si ce n'est pas une souris. Mais comme il a l'air bête, il ne sourit pas, donc c'est un timinou. Donc, mon timinou, parce que c'est pas un timinou, c'est mon timinou. Savez-vous comment je l'ai appelé, mon timinou? Timinou. Je voulais pas perdre le sang. Moi, regarde, quand je l'ai acheté, j'ai dit, c'est un timinou. La dame a dit, oui, c'est un timinou. Alors, je l'ai acheté. Et elle dit, avez-vous de l'argent? Ben voyons donc, j'ai-tu l'air d'un culotte, d'un petit Jean les culottes, moi, là? Prenez-vous les chèques bancals? Les chèques de bien-être, de pauvres individus qui cherchent de l'ouvrage et qui n'en trouvent pas? Parce qu'il y a le cœur qui pend dans la pendule? Non, mais moi je commencerai pas à travailler au salon minimum. Non, je vais 26 minutes, mais je vais vous expliquer ma condition. Je vais avoir un ami. Puis moi, je me dis que, regarde, j'aimerais bien ça travailler, mais pas au salon minimum. Au salaire maximum. Avec le minimum d'éducation que j'ai, là, j'ai fait des études, moi. Il y a des études de maternelle, là, les crayons de couleur, je les connais par cœur. Dites-moi, là, comme ça. Vite, présentez-moi. Oui, c'est mon grand problème. Je suis comme le hamster, mais moi, c'est pas hamster que je veux, madame, c'est un timino. Un beau petit minou. Oh, j'aime ça, les timinos. Oui, mais je suis comme le hamster, mais quand je m'emballe, là, tu sais, dans sa roulette, je peux-tu donner une roulette à mon petit minou? Il peut-tu rouler dans une petite roulette? En plus, il est tellement petit. S'il te plaît, banane, madame. Non, mais vous êtes une gentille banane, madame. Vous êtes ma madame préférée des timinous. En tout cas, quand je m'emballe, mon cerveau, les mots sortent trop vite. On m'a dit presque à la naissance que j'étais un verbeux, prends ça relax, modeur. Non, mais moi, c'est pas ça. Moi, c'est moteur. Moi, je suis même plus électrique, moi, là. Je tourne tellement vite, là. Je tourne, ça tourne, la terre à côté de ça, là, c'est... Ah ouais, vas-y, ah ouais, mes petits, petits, petits, ah ouais, mes petits dumas, deux beaux jambons, un bon seigneur, ah ouais, mes petits dumas, ah ouais, mes petits, petits, petits, petits, petits, petits, petits, petits, ah ouais, mes petits, petits, petits, ah ouais, mes petits dumas. Ça va jamais assez vite. C'est tellement lent. Pour ça, moi, là, écoute surtout. Ne regarde pas ta radio, écoute ta radio. Écoute, lorsque j'étais petit, Madame Timino, je vais vous l'acheter, le Timino. Vous le tenez dans vos mains. Il vous a fait un petit cadeau. Oh, c'est pas très bon, le petit cadeau. Eh mon Dieu, c'est pas un cadeau, ça. Ça fait-tu des cadeaux de même longtemps, souvent, énormément, à la folie? Là, je suis hésitant, là. Moi, tu prends un timino. C'est-tu le timino qui... C'est-tu le plus... Qu'est-ce que vous faites, hein, pour que ça... Il est niais. Vous me donnez le timino le plus niais au monde. Chez nous, on dit un niaiseux. On veut pas de niais. On a tellement au Québec des niaiseux. Voulez-vous que j'en montre? Non, je vous en montrerai pas, mais je peux vous les nommer. Un par un. En partant du plus niaiseux vers le moins niaiseux, parce que le moins niaiseux, c'est pas qu'il est niaiseux. Ça, c'est faux. C'est assez niaiseux quand tu sais pas que t'es un niaiseux. Voyons donc, mon imbécile! Allô? Y a-t-il quelqu'un? Réveille-toi! Moi, là, quand c'est trop imbécile, là, on peut plus le laisser dans cette symbolique-là. Faut l'appeler un cave. C'est un cave. Ça, c'est pas... Je veux pas non plus minimiser la cave à vin, qui est un endroit serein, où les timinous aimeraient bien ça sauter, ces petits sereins. Ah, les minous, ça voit des petites affaires qui volent, puis ah, les feuilles volantes. Là. Et ma fille, parce que j'ai ma bru, qui s'est achetée. Ouais, vous voulez l'histoire de Fragilal, le truc qui a coulé. Comment je l'ai appelé, madame? Frigidaire? Je prends pas les nerfs, là. Je veux comme récapituler. Elle suit pas, là. Mais moi, je paye une femme, OK, que j'appelle Coulisse, qui est même... C'est la même Coulisse que Clémence Desrochers a achetée, là, à ses débuts. Clémence, voyons donc, toi, tu m'as offert une... Voyons donc, Clémence! C'est quoi, là, une flaque, le frigère? En tout cas, le frère, il y avait une petite flaque. Le timinou que j'ai acheté, bon, je l'ai acheté, le timinou, il a fait des cadeaux. Blablabla. Puis là, les imbéciles, les caves, excusez-moi, les caves à vin. Bon, hein, on va vite, hein, c'est le hamster, le hamster. Hamster qu'on est là, on va continuer. Et puis, quand même, tu frappes sur quoi? C'est vrai, les gens entendent des choses bizarres. Non, c'est mes cuisses. C'est mes cuisses. Je frappe sur mes cuisses. La preuve. Ma cuisse. Là, vous voulez savoir si c'est la droite ou la gauche? Bien sûr, c'est la gauche. La cuisse gauche. Je frappe. C'est quoi la main? Oui, je frappe sur ma cuisse gauche, celle qui n'a jamais tremblé. Elle était prête pour le monde. Même quand je monte dans le gazou, ça fausse. Sceptique, mais c'est épouvantable. C'est énorme. Bon, OK. Alors, le timinou que j'ai acheté, là, qui a fait des petits cadeaux, même la madame, là, quand j'ai acheté, elle a mis des petits cadeaux dans la boîte. Quand j'ai ouvert ça, il y avait plein de cadeaux. Ah, oh, le chat était blanc à l'origine, mais il est sorti. Ah, oh, tacheté. Je l'ai pas volé, je l'ai acheté. Là, elle m'a dit qu'un chèque, tu sais, bon, mais c'est ça, on était rendu là, chèque. Madame, ça fait exactement 15 ans que je vais avoir un petit minou. J'ai tout ramassé mes scènes noires. Je sais. Il me reste un brin d'intelligence que les scènes noires n'existent plus sur le marché. Mais imaginez-vous! Si vous présentez toutes les scènes noires sur eBay, comment ça va vous donner? Comment vous allez recueillir d'argent? Je ne vais pas commencer sur eBay une scène noire, ça doit être au moins 50 pièces. Vous me le ferez comment, ça? Ben, vous me le ferez pas comme avec mes 20 pièces, 50 pièces. Je l'ai payé, 55 pièces, j'ai acheté. Est-il opéré? Est-il opéré? C'est un mâle ou une femelle? C'est important, là, quand tu vas dans un bar, le soir, il fait noir. C'est pour ça que les bars, c'est tout noir. Hein, on peut pas voir dans un bar. C'est voulu. C'est quand tu arrives chez toi. Ah! C'est là la crise, là. C'est là la grosse peur noire. Imaginez-vous si commence à éclairer les bars. On n'a plus le droit de fumer dans les bars. Il y a juste des machines. Tu sais, les gens sont là devant les machines. Hey, ça part pas. C'est pas une voiture, madame. Arrêtez de mettre de l'argent, là. Ça va au gouvernement. C'est pas une voiture, ça, là. Vous partirez pas avec ça. Vous ferez pas d'argent. Lâchez ça. Puis je vous connais. Votre nom, adresse, numéro de téléphone. Êtes-vous solvable? Avez-vous de l'argent? Si vous avez de l'argent, je peux vous aimer. Avez-vous une épicerie? Oh, vous avez un marché. Un marché quoi? Un marché? Marché Duchesse. Oh, vous êtes ridé, mais c'est le compte n'est pas ridé. Le compte est joufflu, comme vos petites bajoues. Vous avez des petites bajoues. Vous avez quel âge? 95? 53? Oh, vous avez un bajou, hein? Heureux, vous en avez mangé des noix, ouais? Et des belles grosses noix, comme ça. Comment vous appelez? Emmanuel? Emmanuel? Vous jaugeriez. Conjugue-moi le verbe jouer! Vous me jaugeriez. Vous jouiez dans... Jouiez. Oh non, tu veux pas que j'appelle le... Tu veux que j'appelle le verbe jouiez? Vous jouiez. Vous avez joué. Vous jouez, en tout cas. Vous êtes une comédienne. Vous avez joué. Ah, vous avez joué. C'est plus facile. Hein? C'est plus facile. Vous avez joué. Vous avez joué dans quel Emmanuel? Ils sont rendus à la troisième, là, c'était en trois dimensions. J'ai jamais vu ça en trois dimensions. Moi, j'avais la bouche ouverte, puis il n'est rien arrivé. Pardon? Ben j'entends, mais je voulais avoir des tibécos. C'est comme ça, moi. Il y a trois dimensions, c'est de la chenoute. C'est pas grand-chose. C'est la dent creuse. La dent creuse. Ah, j'ai creusé pour la voir, l'Emmanuel en 3D. Si t'es pas détraqué, là, le 3D d'Emmanuel D, c'est... Mais en plus, c'est ça, j'ai dit, « Hey, si c'est en 3D, elle va avoir du triple D, ça va être quelque chose, hey! » Ben, excusez-moi. Ça, c'est le côté mâle, hein? Ah, mon, on est sauvages, nous autres. Ah, sainte. Fait que le Timino... Le réfrigérateur. Mais il faut connaître l'histoire, là. C'est qu'il y avait une petite flaque d'eau. Puis là, je me suis dit, mais voyons donc, c'est bizarre. Ben, c'est pas moi qui m'a dit ça, c'est le Timino. Le Timino, il la paie. Puis là, il s'est dit, voyons donc, c'est pas normal de la paie de même. Il me donne pas autant d'eau avant de me coucher. Fait que là, il vient me chercher. Ben, il vient pas me chercher, mais il saute dans mon lit. Imaginez-vous, c'est un Timino. Un Timino, là, la grosseur d'un rat. Je sais pas, je me suis pas fait avoir, puis ils m'ont vendu un Timino au prix du rat. Ça serait des vrais rats, hein? Ils vont. Mais. Faudrait que j'appelle. On a-tu quelques secondes pour vérifier si. On peut communiquer avec mon animalerie? OK. Alors, peux-tu signaler... Attendez. Oui, madame. Pouvez-vous signaler ma belle Georgette? Parce que la petite Derek était plus intéressée. Donc, on a une nouvelle stagiaire. Stagiaire, s'il te plaît, compose. Elle dit compose, mais le numéro de téléphone... On t'a donné le numéro de téléphone. Le petit papier, là. C'était pas pour jeter. Regarde-moi, l'autre, elle l'a jeté. On va vous jeter, vous aussi, mademoiselle. Là. On vous donne une chance dans la société de prouver aux contribuables, aux citoyens moyens, que vous pouvez faire un pas dans le rouage économique. Prouvez-le, voyons donc, vous, là. Jetez pas tout ce qu'on vous donne. Jetez-vous les hommes de même. Elle me dit oui. Avez-vous regardé son curriculum? Moi, il regarde dans le latin, là. As-tu regardé sa fiche signalétique? Ça donnait quoi, là? Expression corporelle, oui, mais ses études, elle a étudié en enfant, OK, mais jeune adulte, a-t-elle continué ses études? Là, on fait ça. C'est quand même une pauvreté là, de proposer ça au public. Normalement, c'est dans un bureau fermé. Personne ne doit entendre ça, mais on engage n'importe... Il n'y a plus de personnel. Au salaire minimum, il n'y a plus de... Mais le minimum est tombé. Le minimum est tombé. Le système économique va broncher. Plus personne veut travailler. Les Québécois veulent aller se coucher. Alors va te coucher. Va te coucher. Va te coucher. Va te coucher. Pas avant la fin de l'émission, s'il te plaît, là. Hein? Petit fuyard. Petit fuyard de fin de semaine. C'est vendredi, et voilà pourquoi l'on rit. Ouais, mais ton émission a débuté il y a déjà 29 minutes, mais on n'a pas ri une seconde. Ben non, on a ri 3 minutes, j'ai vu. J'ai vu Madame Rita Bibelot. Elle est tombée par terre, elle là. L'ambulance, on a appelé, là. On voulait pas dire ça au public pour pas les alarmer, parce qu'ils sont très... Non, mais c'est des gens sensibles, des gens de CQRL, des membres de CQRL, c'est des humanistes. C'est des beaux humanistes qu'on aime, qu'on embrasse partout, mais ils savent très bien que quand ils arrivent des choses de même, ils dormiront pas de la nuit si on dit pas que Madame Rita Bibelot va se réveiller, va se lever, va chanter un peu comme le Do et do et abando, les rayons de soleil do. Si c'est la moitié d'un tour, fa c'est facile à chanter. Sol, la terre où nous marchons. Si c'était comme un poisson et nous revenons à dos. Je l'ai eu, hein? C'est la mélodie de bonheur. C'est un très beau film avec Andrew. Jolly Andrews. Tu peux attendre, les gens s'attendent pas que tu chantes. Arrête, calme-toi. Alors, est-ce qu'on peut appeler l'animalerie? Ris donc un peu, là. C'est vendredi. Et voilà pourquoi on rit. Ça, c'était le thème du gag, le gag qui revient. En anglais, on dirait que c'est plus flamboyant. Alors on appelle ça un running gag. Voulez-vous entendre le running gag? C'est vendredi, et voilà pourquoi on rit. Mais on l'a pas débuté. Pour débuter, il faudrait que ça commence avant. Là. En plein milieu, on ne peut pas appeler ça débuter. On peut dire insérer. Oh, quand tu dis insérer, on le sent, hein? On sent que ça rentre, insérer. Tout est dans la prononciation, tout est à... L'art dramatique, madame, là. L'Actor Studio me l'a dit. Moi, Al Pacino en personne avec De Niro ensemble, on a pris un petit café, puis ça a viré un café cassonade, tu sais. On a mis bien de la cassonade, on riait, oh! Ça débordait, on disait, « Hey, what the fuck is my brain? » Non, je parle pas anglais, moi. Mais eux, ils disaient ça. Hey, really, friend, really, really. On se croulait là-dedans. C'est aussi drôle que les filles dans le jello, là. Les paillettes, écoutez pas ça, madame Payette. J'ai un grand respect pour vous. Écoutez pas ça. C'est pas pour vous. Alors, donc, on était là, puis le Timinou, il appelle. Puis là, à un moment donné, à force de l'appeler, il s'est sans doute dit dans sa tête de minou, on va l'appeler mon fournisseur, je sais pas comment on peut l'appeler ça, hein. Mon ami, on est des amis, même après 3 semaines, là, on se connaissait pas très bien, mais on a fait de la communication. Puis au bout du compte, il est venu me voir, puis il me faisait dans l'oreille, « Rouin, rouin, rouin, hey, veux-tu retourner à Rouyn-Noranda, toi, comme tous les chats? » Parce qu'ils viennent de là, les chats, hein, « Rouyn-Noranda, c'est quoi? » Vous avez manqué des gags des rances rénaldiennes depuis le début, là. Achetez-vous le cahier. Travaillez à la maison. Soyez plus sage. Bon, en tout cas, tout mon chat, comme tous les chats, il venait de Rouyn. Puis, Rouyn, Rouyn, Rouyn, mais qu'est-ce que tu veux? Rouyn avec sa patte, hein? Sa patte sur le bord de la babine. Ah, mon. Moi, j'ai la babine flottante. Là. Rouyn, Rouyn. J'ai des allergies. J'éternuais sur le chat. À un moment donné, c'était plus tout doux, c'était comme visqueux, mais en même temps, je me suis dit, s'il m'appelle, il y a quelque chose. Puis on entend ça là, dans les télévisions. Un chat a sauvé la vie de son maître. Qu'est-ce qu'il y a? Là? Puis là, il me semblait qu'il était un peu humide. Fait que je mets mon casque de bain avant de sortir de la chambre, mes palmes puis mon tuyau. Tuyau Diane le disait, donnez-moi de l'oxygène. Mais c'est cet oxygène-là, là. Mais sans oxygène, là. C'est juste le tuyau pour. S'il manque quelque chose, là. Qu'en haut, ça va souffler, là. On s'en va dans quelque chose, là. Il y a une aventure qui s'annonce. Alors là, j'avance, puis là, je me rends compte que mon réfrigérateur, c'est lui qui, tu sais, on met des aliments pour que ça refroidisse. J'en ai vendu 15 000 dans le nord du nord. T'es un ancien vendeur de frigo, moi, là. 15 000 au nord du nord. Il y a LGA à Kanapisco. Connaissez-vous Kanapisco? C'est pas une blague, là. Kanapisco. Regarde-moi l'autre. C'est pas Pispo. LG1, LG2, Kanapisco. Kanapisco. Allez voir sur Internet. Kanapisco. Comment tu écris ça? Kakakan, nanana, pipipis, coco. Kanapisco. Alors, j'en ai vendu à Kanapisco tellement que même mon fournisseur, parce que moi je fonctionne, tu sais, on est de même nous autres, là, on marche avec des fournisseurs, puis t'en as quand bien, puis on peut transiger ça dans des lots, puis on veut faire, comme on dit chez nous, des beaux rabais. En anglais, on dit des braguette. On veut avoir une braguette très basse pour sortir le plus de jus possible. Le jus, ça, c'est de l'argent liquide. On veut de l'argent liquide. On travaille pour de l'argent. On veut de l'argent. On est heureux dans l'argent. De l'argent, on veut de l'argent. On perd notre vie pour faire de l'argent. On va mourir. Hey, quand tu vas te coucher, là, 15 secondes avant la fin, tu vas dire, j'ai travaillé autant. Autant pour en arriver à... Il n'a même pas pu finir sa phrase. Alors, mon petit minou, j'ai dit avant qu'il se noie puis qu'il me dise... Moi, l'écouter. Là, j'arrive devant le frigo et il y avait la map. Une petite map, là. La map, c'était pas la carte du monde. En fait, ça montrait à peine le quartier Limoilou. Mais dans le milieu de Limoilou, j'ai dit, oh, c'est pas vrai! L'eau, c'est... Parce que moi, j'ai... Est-ce que vous... Non, vous... on va vous le raconter. Attention, restez calme. Très rapidement, je sais, le temps coule. Le temps coule comme mon frigo. Mais c'est que, dans ma cuisine, j'ai mis la carte du quartier. Ben, pas de la carte. La carte de la ville de Québec. Puis du côté du frigo, j'ai agrandi pour Limoilou. Là, je me rendais compte que l'eau atteignait le coin de la 3e avenue et de la 3e... Attends, je suis trop ému. 3e avenue, 4e rue, j'ai dit, c'est sur CKRL. CKRL va être inondé, là. J'appelle le directeur général. J'ai dit, hey, mon ami Lenny, Lenny, qu'est-ce que tu veux? Lenny, regarde, malheureusement, vous allez recevoir de l'eau. Comment ça, de l'eau? Mon frigo coule sur ta... sur ta localisation. Dit, qu'est-ce que tu sors, là, là? Hey, tu me réveilles à 3... Non, je te réveille. Je sais qu'il est 3h du matin. Je te réveille, c'est certain que je te réveille. C'est pour t'aider. C'est quoi, il est en train de couler? Mais voyons, non, il coule. Il... Ça coule pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Mais t'as-tu regardé? Les policiers n'ont pas appelé. Mais hey! Je te le dis avant les policiers, moi, j'étais rapide, là. Et que là, je me suis rendu compte, hey! Ah, c'est pas un vase communicant, là. Tu sais, ça m'a comme réveillé, là. Là, j'ai dit, j'ai dérangé mon ami. Le directeur. C'est quoi, réel? Denis Fortin. Je dis, Danny. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, je pense que ça va pas très bien ces temps-ci. OK, ça va aller. Oh, non, ça va pas du tout. Ouais, ça va aller. Oh, je vais être... OK, ça veut dire que tu veux me quitter? Ben, je vais aller me coucher, là. J'écoute... Je dois amener les enfants au hockey. Ah, OK, je comprends. OK. J'ai dérangé le directeur de CKRL. Parce que je pensais que ça coulait sur CKRL, mais ça coulait sur mon plancher, mais c'est pas un vase communiqué. Tu sais, quand tu comprends ça, là, il me semble que t'as progressé dans la vie. Là, tu peux gagner, chez moi, gagner, oui. Tu peux avoir ton certificat de réussite à l'université malade. Parce que t'es pas malade. C'est parce que tu le sais, tu dis, hein, tu rencontres des docteurs, tu leur dis, hey, écoutez, c'est pas parce que vous mettez sur votre plancher une carte géographique et que l'eau coule sur votre plancher que tout ça est un vase. Là, tu mimes pour avoir l'air intelligent, là, comme René Lévesque. Ce n'est pas un vase. Ce n'est pas. C'est pas un wise. Ah, c'est pas un wise, gars-là, non. C'est pas un. Écoutez. C'est pas un vase communicant. Puis déjà là, quand tu dis ça, t'as l'air intelligent, là. T'as l'air moins vaseux, moins boueux. Que mon petit chat, il m'a averti que mon frigo s'éteignait tranquillement. Puis que j'avais acheté juste pour lui. Des petites crevettes, des crevettes de Matane. Pas de ma tante, de Matane. Matane, ça, c'est un lieu proche de la Gaspésie. Matane. Et là, je vais me faire tuer. Est-ce que Gaspésie, Matane, Gaspésie. M'attendre les Rénal Québec en commercial @mail.com. Sinon, tout va bien. Je tiens à vous dire que nous sommes à Errance Rénaldienne. 14 octobre. Bienvenue. Je vous présente mon ami. Aujourd'hui, le vendredi, bien sûr. Toujours le 14, ça n'a pas changé. Déjà là, c'est un vase communicant. Là, oui, c'est un vase communicant. Oui, ça communique. Aujourd'hui, le vendredi 14 octobre 2016, nous vous présentons mon ami, comme la semaine dernière. Il y a une suite. Il y a une suite presque logique. Stéphanie Girard. Elle est réalisatrice, monteuse, scripteuse, femme de cinéma. La preuve, c'est ça, là, la preuve. Là. C'est ce que vous allez entendre après tout ce que je viens de vous dire. Mais avant tout, il faut se relaxer en écoutant cette petite chanson.

Oui, mais regarde la femme sur quelque chose, c'est différent. Non, non. Là, je suis pas sûre. Okay. Moi, je crois que c'est vraiment chaque personne. Par contre, ce qu'on partage, ça c'est sûr, nous les femmes, c'est justement ce côté mauvaise expérience, ce côté on doit se battre pour des trucs très simples que les mecs ils ont juste à ouvrir la bouche et ça leur tombe dedans, tu vois. Donc il y a plus, par exemple, moi sur Africaine, il s'est trouvé que j'ai eu, parce que chacune a emmené l'autre, j'ai eu une équipe de post-production quasiment exclusivement féminine. La monteuse a fait venir la monteuse son, qui a fait venir la mixeuse. Et ces filles-là, elles ont plus fait pour mon film que le producteur. C'est elles qui ont trouvé toute la post-production en coproduction. Donc voilà, c'est grâce à elles qu'on a pu terminer le film, très clairement. Mais tu sens, alors c'est parce qu'elles aimaient le projet, c'est parce qu'on s'entendait bien, tout ça. Mais tu sens aussi qu'elles savent que sinon, pour moi, ça va être plus dur de terminer le film. Et donc elles m'ont soutenue. Elles n'auraient peut-être pas soutenu autant le réalisateur, mais parce qu'elles n'auraient pas eu à le faire. Tu vois, et là, je savais très bien que chacune était consciente. Tu vois, par exemple, ma mixeuse, la mixeuse qui a mixé mon film, c'est pas la mienne, hein, mais l'année d'après, elle a eu le César du meilleur mixage. Enfin, ils ont eu le César du son, mais c'était pour Michael Collars. Voilà. Et c'était la première fois qu'une femme, en fait, était récompensée. Ah, c'est bien. Alors, c'est pas le meilleur mixage, c'est le meilleur son. Oui, les deux autres, c'est-à-dire le monteur son et le ingé son de tournage, sont des hommes. C'est une équipe qui est récompensée. Oh, c'est un travail sur le son. Monter sur scène comme tout le n'empêche que c'était quand même, elle l'a fait remarquer. Oui. Et elle a bien fait de le faire remarquer. Parce qu'en fait, des femmes mixeuses, il y en a plein. Et quand même, ça faisait longtemps que les gens c'était les 40 ans de César. Hein. Oui, et les gens, la réaction des gens. Ah non, mais après, forcément, les gens, ils ont travaillé avec des mixeuses. Tu vois, c'est une récompense du métier au métier. Donc après, quand tu leur dis, ça leur semble très naturel. Mais ils n'avaient pas fait le lien que ça faisait 39 ans qu'il n'y avait aucune mixeuse qui avait été récompensée. Je discutais avec une metteur en scène féminine. Et, c'est bon, tu peux être tournée là. Une femme, une metteur, elle me disait, je préfère travailler avec les femmes puisqu'il n'y a pas de pouvoir de séduction. C'est intéressant ça. Moi, j'ai jamais ressenti. Enfin, en fait, quand tu fais un film, tu es dans la séduction avec tout le monde, homme et femme. Enfin, mais dans une jolie séduction, pas une séduction prise de pouvoir, tu vois, mais juste de. Mais... T'es content qu'ils aiment ton projet, du coup, tu les aimes. Mais en même temps, quand tu travailles avec un gars, puis tu fais ce même effet-là, est-ce qu'il peut s'imaginer qu'il y a quelque chose qui peut. Ça l'a vraiment pris bien tout le service. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Okay. Mais je pense bien que ça peut arriver. Ben oui. Ça m'est arrivé avec des producteurs quand j'étais assistante, par exemple, tu vois. On va se taper l'assistante. Du côté, tu sens que... moi, je remets les choses au clair, je suis pas pour ça. Mais du coup, je me fais pas forcément des amis non plus. Ben, il faut se louper, là. Ouais. Mais en tant que réalisatrice, franchement, j'ai toujours été, par les gens de mon équipe, j'ai toujours été vraiment respectée, reconnue, tu vois, en tant que telle, sans avoir besoin de dire, hey, les gars, c'est pas parce que je suis une femme que. Mettre le poing sur la table. Ouais, non. Ouais. Après, t'as des trucs de pouvoir, mais qui peuvent arriver avec des hommes, avec des femmes, de dire, d'un seul coup, t'as quelqu'un dans ton équipe qui sait mieux quel film il faut faire que toi. Ouais, ça arrive tout. Chez nous, on appelle ça des Joe connaissants. Des ça. Gens qui savent tout. Ouais, Il n'y a rien de pire que ça. Attends, tout de moi, ça me dit rien, j'ai envie de dire. Peut-être que je me plante, mais laisse-moi me planter, c'est ma responsabilité. C'est mon plaisir. Mais c'est moi qui le conçois, c'est moi qui l'ai dit. C'est ça. Et souvent, lorsque tu réalises, est-ce que ce qui se tient là entre tes deux oreilles ressemble à ce que tu vois là sur l'écran? Écoute, c'est là où c'est formidable de travailler avec des gens bien, c'est que souvent c'est mieux. C'est non seulement, en fait, ce qui est essentiel, c'est que ça aille dans ton sens, c'est-à-dire que ça raconte ce que tu voulais raconter, mais souvent, vraiment chacun à son niveau apporte le plus sa dimension à lui qui fait qu'à l'arrivée c'est plus beau. Vraiment. Des fois techniquement c'est moins bien, mais parce que t'as pas eu les moyens de faire ce que tu voulais. Ça oui, il y a des déceptions comme ça où tu te dis mon Dieu, ça c'est pas la séquence que j'avais rêvé. Mais en règle générale, par contre, t'as des... c'est pas qu'ils comprennent mieux les choses que toi, mais évidemment que t'as besoin d'eux pour interpréter à l'image, au son. Tu ça, quand je dis à ma Montesson, Rime de Bar, moi je veux qu'on travaille vraiment les bruits africains, de la forêt africaine, de la savane. De la tu travailles ça en studio si tu fais ça. Ouais. Okay. Et parce que c'est aussi ce qui fait qu'on voyage. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un peu un huis clos, moi, le film bizarrement. C'est-à-dire qu'il sort, mais il y a toute une partie du film qui est dans l'enceinte de la maison. Et où justement les filles sont frustrées parce qu'elles entendent des choses à l'extérieur qu'elles ne comprennent pas, qu'elles ne connaissent pas. Et tout ça, il faut que ça existe. Et elle a fait un super boulot. Et en fait. Et là, tu parles de son extra-diégétique ouais. En dehors de ça. Ouais. De l'ambiance sonore, du travail que tu fais sur les ambiances sonores. Et Rime, elle est partie chercher des sons dans tout Paris. C'est-à-dire que moi, je sors mon film, j'ai des sons de tous les ingé sons de la place de Paris. Est-ce que tu es en deux cas avec les écouteurs, avec la première auditrice à choisir? Oui, bah, elle me fait des propositions, si tu veux. Mais après, je dis, bah, plus de ça, moins de ça. Non, c'est ça le plaisir de construire un film. Ouais, c'est ça, c'est que d'un seul coup. C'est d'être penché, tu de s'en ouais, les mais c'est aussi de transmettre le relais à quelqu'un, de lui dire, voilà, moi, je veux ça. Et elle c'est toi qui sais comment on fait, et là d'un seul coup, en trouvant comment son travail, elle apporte plus. Et ça, on va faire ses captations. Ouais, elle revient ça. Heureuse c'est de dire regarde, j'ai des petits bijoux, peut-être, est-ce que tu veux les écouter avec moi? Et toi, t'es ah, oui, c'est de voir le visage. J'avais raison. Et elle me ramène plus que ce que j'avais imaginé. Et du coup, dans mon film, il y a des bruits d'Amérique latine. Enfin, tu vois, il y a des bruits qui finalement n'ont rien à voir avec le Sénégal, mais qui viennent nourrir. Tu vois, par exemple, il y a une séquence sur la plage de nuit où on voit à l'image des centaines de petits crabes qui courent. Tu vois, la comédienne s'avance vers la mer, elle est de dos, donc elle s'éloigne de la caméra. Non, il y a beaucoup de trucs. Et donc, voilà, ils sont tous là. Et en fait, on avait fait un son direct et je voulais l'amplifier. Et elle m'a trouvé, en fait, des bruits de crabes, non pas qui courent, mais tu sais, quand tu les sors de l'eau et qui font des bulles. Ah oui, ok. Et c'est super. Le son est modifié ou c'est son véritablement d'un. Non, non, non, c'est le vrai son. C'est juste qu'on a le son des vrais crabes qui courent et en plus en le son d'autres crabes okay. qui bulent. Okay. Et j'adore. J'adore. Ça donne une est-ce dimension, que... ça fait glisser le truc à l'image d'une manière. Est-ce qu'elle a multiplié le son pour en créer plusieurs? Oui, aussi, il y a des moments où. Ouais. Non, c'est fabuleux ça. Et c'est bien de. Chez nous, on appelle ça le bisouner. C'est bien de travailler comme un artisan sur la sonorité. Et, ben c'est un tout. Hein. C'est ça qui est complexe. C'est le son, c'est l'image, c'est le scénario, c'est les comédiens. Là, c'est ça qui est passionnant. C'est ça qui est passionnant d'être réalisateur parce que tu as toutes les équipes. En même temps, c'est ça qui est très casse. À chaque moment, tu peux rater ton film. À chaque moment, tu as des choix à faire et à chaque moment, tu peux prendre le mauvais choix. Un roman, tu écris, c'est toi, c'est ton texte, c'est tes mots. Donc, il n'y a pas de mise en scène. Il y en a de la mise en scène, mais c'est toi. Tandis que là, non, toi, tu dépends. En plus, oui. Tu dépends de plein de personnes. Et donc, voilà. Et tu vois, par exemple, aussi, sur Africaine, les comédiennes, tous les comédiens, les Sénégalais, les Français, et notamment les deux comédiennes principales, elles ont été au-delà de nos expériences, vraiment, parce qu'elles avaient des choses très difficiles à jouer, très délicates. Et elles ont eu une super compréhension. Mais quand tu mets en scène un Africain, est-ce que c'est plus compliqué puisque il y en a qui surjouent, jouent des... Alors en fait, ça vient du fait qu'il y a une grande tradition du conte en Afrique noire et que du coup, souvent, les comédiens sont aussi des conteurs. Moi, j'ai pas eu ce problème-là parce que les comédiens avec qui j'ai bossé, même quand ils étaient conteurs, les comédiens africains, enfin, sénégalais, même quand ils étaient conteurs, ils avaient déjà aussi des expériences de théâtre, des expériences de cinéma, avec des blancs, avec des africains. Tu le savais au casting aussi, tu les voyais au casting. Tu vois, tu vois. Et puis aussi, tu vois aussi, quand tu leur dis ce que tu me dis, attention, t'en fais trop, et ben ils se corrigent. Tu vois, ouais, ils comprennent. C'est pas du théâtre, c'est du cinéma. Voilà. C'est ça qu'on oublie dans le cinéma du premier temps. Parce que si t'as d'autres, oui c'est ça, c'est que t'as d'autres traditions aussi. T'as une tradition qui est beaucoup plus sur le corps, beaucoup plus sur la gestuelle. Nous, on est dans des trucs tellement cérébraux, en fait, tu vois, tellement intériorisés, tellement dans le regard. Mais en même temps, on veut faire des ramasser. Donc en fait, si tu veux, c'est juste un réglage à trouver. C'est pas, mais moi, j'ai pas eu de problème de. Comme ça. Après, là où je me suis fait avoir un tout petit peu, c'est que en tant que Française, j'avais écrit un gros pavé. C'est-à-dire bah, vraiment, la comédienne sénégalaise, elle faisait la scène elle toute seule, c'était presque un monologue. Et elle, elle a eu du mal. Parce que y a la tradition de théâtre n'est pas la même. Enfin voilà, puis surtout, c'est. Alors à un moment donné, je lui ai dit, mais réécris-le autrement. Yeah. catching with me, 'cause I move too slow. Slow enough to know that you're gonna have to go. I don't really care what the bullshit artists seem to step. They can never find out about me and the queen. Thank you. voulais pas lui dire, regarde, tu vas me le lire et joue-le dans tes mots, joue-le dans ta... Oui, mais c'était compliqué parce que c'était très précis. Ah, il y avait des choses à... Ouais, très très précis. Okay. C'était une histoire avec des étapes et qui faisait référence aux étapes du film aussi. Donc, elle pouvait pas tout changer non plus. En plus, c'est quand même un conte africain, sénégalais, donc il fallait aussi qu'elle respecte le conte d'origine. Okay. Qu'est-ce qu'elle a fait pour... Écoute, non, bah, elle s'accrochait, hein, elle a bossé. Et puis, moi, à l'arrivée, les moments où je la trouvais moins convaincante, j'ai coupé. J'ai simplifié le conte. Ah oui, t'as raison, par moi. Ça, on le fait aussi avec des comédiens français. Oui, hein, non, mais tu voulais pas faire un plan séquence de son? Non, c'était pas un plan séquence. Donc ça, j'avais... Alors, ça te sauve, oui. Ouais, ouais, parce qu'elle parlait à quelqu'un et... En fait, tu souvent des plans séquences parce que c'est beaucoup de travail de mise en scène. Ton plan le plus long? Alors, non, ça dépend. Enfin, dans mon film, il y a des plans séquences. Bon, un qui était très long. Ça demande beaucoup de préparation, un plan séquence. Et ben, ça dépend parce que si la caméra bouge, c'est-à-dire si c'est en mouvement, si c'est juste qu'ils arrivent, ils s'assoient, ils discutent, ils sont assis, ils discutent, tout est sur le jeu. Donc, il faut que tu sois satisfaite de ta prise du début à la fin. Moi, là, j'avais une arrivée, puis l'autre qui arrivait après, et ensuite, ils discutaient, donc il fallait que j'ai les deux. Mais le mouvement n'était pas très compliqué, le mouvement de caméra. Mais écoute, moi j'ai travaillé avec des comédiens extraordinaires, ils étaient bons dans toutes les prises. Tu les as pris où ces comédiens-là? Tu les as vus dans des films? Alors, pour les comédiens français, oui, je les avais tous déjà vus jouer. Et puis après, le casting du film a eu toute une histoire parce qu'au départ, on était parti billet en tête, on a l'avance, on a un vrai budget. Et du coup, pour avoir un gros distributeur, il nous fallait aussi un casting bankable. Là où on rejoint le féminin, casting bankable. Ah oui, ok, des gros noms. Mais sauf qu'en fait, quand tu écris. Voilà. Oui, mais sauf que c'est là où on rejoint le féminisme, c'est quand tu écris pour des filles entre 20 et 25 ans. Oui. En France, des bankable, il n'y en a non, pas. Non. Tu vois, elles ont toutes 30 ans et puis souvent, c'est quand même pour jouer le second rôle avec un homme. Elle a bien 35 maintenant. Enfin, tu vois, donc du coup, j'ai été hyper limitée dans mon choix d'actrice. En tout cas, j'en trouve deux super qui avaient fait des essais formidables. Moi, comme c'est l'histoire de deux sœurs, j'avais fait en fait des essais de pères. J'ai fait personne passer des essais sur Géraldine et l'autre sur Alice. Elles faisaient Alice et Géraldine, mais ensemble. Et j'ai choisi celles, les deux seules, qui avaient vraiment joué ensemble tout de suite et où donc il y avait tout de suite une relation de sœurs qui n'était pas dans le texte écrit, mais qui évidemment fallait jouer puisque c'est la situation. Et sauf qu'après, quand on a vu qu'on allait faire film avec très très peu d'argent, ces filles-là, elles ne sont pas venues. Donc, au dernier moment, j'ai dû refaire tout mon casting parce que du coup, il y avait les parents aussi, etc. Donc là, je suis partie tout de suite sur des comédiens et des comédiennes que j'avais déjà vu jouer, qui m'intéressaient. Et alors, j'ai travaillé avec Nina Meurice et Anna Mialcea. Et en fait, toutes les deux, elles ont en commun d'être très jeunes, enfin, elles avaient 25 ans à l'époque du tournage, mais d'avoir commencé à deux. Et d'avoir eu donc des premiers rôles ou des rôles très importants dans des films très jeunes. Ce qui fait que par rapport à d'autres qui ont commencé à 18 ans, elles ont une expérience déjà énorme. Elles ont déjà donné la réplique à Isabelle Huppert quand elles avaient 14 ans, elles ont travaillé avec Chabrol quand elles avaient 15 ans, enfin tu vois. Et ça, elles étaient armées. Et ça, il n'y a pas de mystère, ça se voit. D'un seul coup, tu as des comédiennes, c'est des Stradivarius, tu vois, comme on dit, alors qu'elles ont un âge de débuter et d'en mettre à vraiment faire leur preuve. Non, ça, c'était une grande chance. Et du coup, ça a fait que... Voilà. Ça, c'est pour la partie française. Pour la partie sénégalaise, en fait, il y a trois rôles importants. Donc, le marabout, le gardien de la maison, Auguste, et l'associé des parents, qui s'appelle Fatih. Et là, du coup, en fait, j'avais un producteur exécutif au Sénégal qui a engagé quelqu'un qui est à la fois assistant réalisateur là-bas. Et toi, tu n'étais pas sur place? Au début, non. Il a filmé, il m'a envoyé par transfert. Ah, mais c'est bien. Et là-dessus, j'ai fait un premier choix. Et je lui dis, ben, je veux revoir telle personne en lui donnant des indications. Oui. En lui disant, par exemple, Mamie Diallo, qui a joué Fatih, elle est arrivée au casting avec Bakary. Elle était, mais trop sublime. C'est-à-dire que j'ai dit, mais... Elle pétait l'écran. Mais voilà, mais les blanches, on ne va jamais les voir à côté. Oui, oui, oui. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas la prendre, elle est trop belle, on va voir qu'elle. Dans toutes les scènes où elle est, on va voir qu'elle, ça déséquilibre totalement. Mais elle était tellement bien que je lui dis, bah, on lui refait passer des essais, je lui dis de venir plus simple. Plus, j'ai pas dormi de la nuit, je sais pas. Un peu abîmée, quoi. Un peu quotidienne. Et donc elle est revue, et en fait, ce qui est super drôle, c'est qu'elle est très coquette, comme beaucoup de Sénégalais. Et alors, pour le film, je lui ai demandé de garder la même coiffure sais, elles mettent beaucoup de perruques, elles se font faire des crèmes, des trucs et tout. Je demandais de garder la même coiffure pendant un mois. À la fin, parce que moi, normalement, je change toutes les semaines. Et donc, elle change complètement de tête. C'est-à-dire que tu vas la voir avec des cheveux lisses d'un mètre. Et puis, la semaine d'après, elle va être complètement la sénégalaise avec des tresses coulées. Du coup, la verra, mais c'était super bon. Mais en tout cas, voilà. Et ensuite, ces trois personnes que j'avais présélectionnées, je les ai revues en vrai à Dakar avant le tournage, un peu avant le tournage. Donc, on discute pour qu'on travaille les rôles et pour vraiment donner un choix définitif, pour dire oui, c'est eux. Et ensuite, tous les autres petits rôles, en fait, on a fait du casting dans les villages où on a tourné. Et alors, il y avait des comédiens amateurs. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on a tourné dans les petits villages de Beauce, c'est bah à chaque fois, il y avait une association théâtrale. Ah oui, ouais. Préparée, parce que quelqu'un allait... Hein, Non, déjà, en fait, on s'appuyait sur des gens qui avaient déjà... Et après, j'ai aussi travaillé avec des gens qui ont fait de la figuration, qui n'avaient jamais tourné. Okay. Mais écoute, ça s'est super bien passé. C'était absolument pas raide, je leur disais ce qu'il fallait faire, il n'y avait pas besoin de t'expliquer deux fois. C'était pas emprunté, en fait, j'ai l'impression que, justement, parce qu'ils n'ont pas de... forcément ces personnes-là, en tout cas très précisément, cette image de filmer. Enfin, nous, on est toujours dans le contrôle. Bah du coup, oui, ils y vont, ouais. Tu vois, ils savent pas d'où ils sont filmés, voilà, c'est ça. Que nous, on est là, oh là là, mon double menton, ouais, comment il faut que je marche, ouais, c'est une question, t'as pas à te poser, tu marches. Il y a beaucoup de réflexions, mais si je marche comme ça, je vais avoir le dos courbé. Et là-bas, c'était tellement simple, tu cours, tu t'arrêtes là, tu dis ta phrase, là, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Puis en plus, je trouve que ça donne plus de crédibilité, ça amène du documentaire. Ah bah c'est les vrais gens. Oui, voilà. Ah oui, c'est ça. Après, si tu veux, par exemple, il n'y avait pas de costumière sur place. Je disais aux gens, je leur expliquais, voilà la scène qu'on tourne, venez comme vous vous habilleriez dans cette circonstance-là. Et puis donc, je leur demandais quand même un petit choix, tu vois, pour que quand même, esthétiquement, voilà. Bah écoute, franchement, 9 fois sur 10, c'était génial. J'ai quasiment rien changé. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ce film-là, hormis le fait d'aller dans des festivals et... Alors, déjà, de l'avoir fait, c'est une satisfaction. Ensuite, donc comme je te dis... C'est un acte de bravoure, hein, parce qu'avec l'argent que... Ouais, je me trouve courageuse. En combien de 20 jours, 20... J'ai fait 24 jours, 4 semaines de 6 jours. Anciennement, il n'y a pas longtemps, ça prenait 2 mois, on pouvait avoir 2 mois et demi de tournage. Oui, mais là, c'est tellement rare sur un premier film, 2 mois et demi de tournage en France, là, maman. Mais même pour un gros film. Oui, mais bien sûr. Ah oui, non, mais quand je dis ça, je veux dire, quand je vois des gens comme Jacques Doyon, avant, ils tournaient tous leurs films, tous ceux qu'ils écrivaient, et maintenant, ils en tournent 1/4. Moi, j'ai vu comme ça, une avant-première, Jacques Doyon, où il disait que là, ce film-là, c'était la première fois que ça lui arrivait, tu vois, il y a quelques années, il y en avait écrit 3 qui ne s'étaient pas faits. C'est une autre époque, hein, vraiment. Et pour c'était ça que je voulais dire tout à l'heure sur l'archéologie. Parce que moi, quand j'ai commencé dans le cinéma, tout début des années 90 en France, c'était l'âge d'or du cinéma d'auteur grand public. Tu avais un vrai budget pour faire ton film personnel, voilà, sans être hermétique, tu vois, mais ton histoire telle que tu l'entendais. Et l'archéologie, il n'y avait rien. 5 ans plus tard, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que nous, en France, on a une loi qui est passée qui oblige tous les gens qui font des travaux à faire 6 mois de fouilles d'abord. C'est-à-dire qu'on va être sûr que quand on construit un parking ou un immeuble, on n'est pas en train de... Et là, d'un seul coup, bah, l'archéologie, elle est remontée. Tu vois, avant, tu avais une chaire d'archéologie à la Sorbonne pour tout le monde, quoi, tu vois. Et là, bah, d'un seul coup, tu as des fouilles dans toutes les villes de France. Tu as des fouilles à Lille, tu as des fouilles à Marseille. En plus, on trouve des trucs hyper bien. Donc, ça encourage. Et de l'autre côté, y a eu des réformes en France, à la fois dans le privé et dans le public, qui ont vraiment poussé le cinéma d'auteur, enfin, qui ont fait que d'un seul coup, ce qu'on appelle les films du milieu, d'un seul coup, c'était tellement plus la priorité, alors qu'ils faisaient des entrées, c'était des succès. Voilà, donc finalement, tu vois, si c'était à refaire. Ouais. En même temps, on ne peut pas savoir. Non, tu ne peux jamais savoir. Donc voilà, ce que ça m'a apporté, c'est quand même la satisfaction d'avoir fait, et puis surtout la satisfaction que même s'il y a peu de gens qui l'ont vu, les gens qui l'ont vu l'ont beaucoup aimé. Ouais, c'est-à-dire, tu sais, ils viennent te le dire, ils ne te demandent pas, ils n'ont pas de raison. C'est, quand il y a un débat derrière, tu as toujours une personne qui est pressée, qui ne peut pas rester au débat qui sort, et une autre qui n'a pas aimé. Sur une salle. Moi, ça n'a jamais été plus que ça. Et tous les gens sont venus dire, alors des noirs, des blancs. Thank you.

walking up Lafayette Street. It's real empty. And I looked up, and it turned into a big field. And I looked up in the sky. And I looked up in the clouds. And I saw this face looking down at me. And it was a woman's face. And she threw a quarter down at me, and she said, quarter, go put it in a washing machine. And then I looked up at her. I looked up. Il y a des Africains, pas forcément sénégalais d'ailleurs, hein, qui sont venus me dire qu'ils étaient hyper touchés qu'une blanche ait saisi ça de leur coutume et envie de le partager. Quoi. De le promouvoir, d'en parler. Bah, oui, de le mettre en valeur. Oui, de le mettre au grand jour. Ouais. Et puis, donc dans les gens qui avaient habité en Afrique, dans les blancs qui avaient habité en Afrique, ils étaient super touchés parce que ça leur rappelait des amis. Voilà. Et puis après, tu as des gens qui sincèrement s'intéressent au mélange des cultures, tu vois, qui ont lu les travaux de Toby Nathan sur. Qui c'est Toby Nathan, oui, c'est, oui. Voilà. Donc voilà, du coup, ça fait des débats intéressants aussi. C'est-à-dire, des gens aussi, j'avais montré mon film dans le cadre de la Société des explorateurs. C'est un truc qui a un siècle et demi en France. C'est vraiment des gens qui sont encore des explorateurs, qui partent à l'aventure. Nous, ça s'appelle les grands explorateurs. Ouais. À tous les lundis, au Grand Théâtre de Québec, les gens présentent leurs œuvres et en parlent. Alors, j'étais super contente d'être une exploratrice, d'être considérée comme, inconsciente, surtout, parce que tu ne savais pas que tu en Et donc voilà, tu vois, il y a eu des échanges extrêmement riches avec les gens, et ça m'a confortée dans l'idée que non, je ne suis pas complètement folle, que ce qui m'intéresse aussi d'autres gens. Et qu'aussi, ce qui m'a vraiment redonné le moral, c'est de voir qu'en France, malgré ce côté, plus ça va, plus le film sont des produits, ils sont vendus comme des produits, ils sont imposés aux gens comme des produits, tu vas dans les 3 jours, sinon tu ne peux pas le voir. Enfin, tu vois, genre si c'était les soldes, quoi. Tu vois, voilà. Dans tous les domaines, hein, maintenant, c'est même dans le cinéma d'auteur, tu as des produits cinéma d'auteur, tu as des produits comédie comme il y a toujours eu. Et bien de voir qu'il y avait encore un public en France qui était curieux, parce que moi, sans aucune promotion, sans aucune campagne d'affichage, aucun plateau télé, les gens, quand ils voyaient qu'il y avait ça dans des petits villages, et ben, il y avait toujours entre 30 et 100 personnes pour venir. Dans les petits villages, des fois 30, c'est beaucoup. Et ça donne le moral, parce que tu te dis, le public curieux, la curiosité. Moi, je fais du cinéma par curiosité. C'est un début d'émission, c'est rare la curiosité. Je te l'ai dit à l'ouverture d'émission. Et ben, je ne suis pas la seule. Nous sommes un petit cercle fermé. Ouais. Non, pas tant que ça, justement. C'est ça. Est-ce que tu prévois de sortir DVD? Alors, c'est toujours pareil. Il n'y a pas eu d'assez grosse sortie ciné, si tu veux. Non. Pour qu'il y ait une sortie DVD, il faudrait qu'il n'y ait pas tout le travail de promotion à faire au moment de la sortie DVD. La sortie DVD, ça marche, et c'est pour ça qu'on les fait aussi de plus en plus près de la sortie film. C'est pour profiter de la promo au moment du film. Moi, je suis hors promo. Donc, ce qu'on envisage comme sortie DVD, c'est genre sur le site du distributeur un DVD à la demande. C'est-à-dire, tu demandes ton DVD, on te le fait exprès pour toi. Tu vois ? Est-ce que c'est disponible actuellement ? Alors, pas encore, pour des raisons techniques. Mais enfin voilà, tu vois, donc de toute façon, ça aurait été la marge. Oui, mais le coût risque d'être un peu plus élevé. Non, c'est 17 à 19 euros avec les frais de port. Enfin, en France, nous, un DVD neuf, c'est 19 euros. Ah, c'est pas cher. Voilà. Et même artisanal, un peu comme le tien, c'est pas cher, vraiment. Ça va. Enfin, oui, ça reste abordable. Et aussi, l'idée, c'est de le proposer en VOD encore moins cher. C'est-à-dire... Oui, on peut soit télécharger le film. C'est en route aussi, c'est pareil. C'est pareil. C'est combien de temps là, tu dois être 3 semaines, un mois, un an Non, en fait, si tu veux, tu peux contacter mon distributeur. Enfin, tu vois, je pense qu'il peut déjà le faire à la demande. C'est juste qu'on n'a pas lancé le gros truc de dire à tout le monde mais acheter le film. Oui. Je vais aller chanter à la porte. Aujourd'hui, quel cinéma qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui en 2016 au cinéma? Alors déjà, ce qui me déprime, c'est qu'il y a... on va aller avec l'inverse. C'est qu'il y a beaucoup moins de films qui me plaisent, justement dans ce qui est visible, très exposé. Moi, je te dis, mon problème, c'est mon grand âge. C'est que j'ai connu un tel âge d'or de films qui étaient chacun unique, tu vois. Mais tu vois, qui était vraiment à chaque fois, tu allais vraiment dans la tête de quelqu'un et c'était cette personne-là qui avait fait le film. Et ça pouvait. Ouais, tu sais, ça pouvait être Pascal Ferrand. En plus, il y avait plein de femmes à cette époque. Il y avait Laurence Ferreira Barbossa. Il y avait Pascal Bailly, moi c'était des Laetitia Masson, tout ça, c'est des filles qui tournent quasiment plus, qui ont beaucoup de mal. Enfin, tu vois, il y a toute une petite génération, mais moi j'adore, là, aujourd'hui, qui continue à faire des films relativement facilement, entre guillemets, il y a Arnaud Desplechin. Trois souvenirs de ma jeunesse. Mais tout, il y a Esther Kahn. Il y a un titre avec Échec et l'échec, là, La Dame et l'échec. Roi et Reine. Roi et Reine, c'est sublime. Moi, vraiment, c'est le film complet, il est drôle, il est bouleversant, il est intelligent, inventif, vivant. Ça, moi, ça me... Tu vois, et vraiment, tu sais, souvent, on dit en France, oui, alors lui ou elle, c'est l'héritière ou l'héritier de Truffaut. Non, l'héritier de Truffaut, c'est Desplechin, parce que lui, il a compris le romanesque. Il fait des films tellement romanesques et en même temps tellement actuels, tellement... C'est ça. Mais t'as quand même du boulot à faire. Ça, c'est un plaisir. Ça, c'est des gens dont je vais voir les films dès qu'ils sortent, quel que soit mon emploi du temps. J'ai envie de les voir en salle. C'est intéressant quand... Exceptionnel. Si j'avais fait que la course toute la journée, je l'aurais fait. Mais là, quand je fais une semaine de formation, je vais aller faire une idée. C'est quelqu'un qui voit la carte, qui a connu la nouvelle vague, qui fait des films avec ce qu'on a, après des gros moments, et après de nouveau le numérique, justement. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'Alain Cavalier, mais aussi. Sauf qu'à un moment donné, quand même, Alice Varda, là, dernièrement, là, maintenant, elle fait quasiment des installations d'art contemporain, tu vois, elle en est rendue là tellement, elle pense que c'est un truc de peinture, en face, c'est un bricorama, une grande rue. Tout ce qu'elle fait est passionnant, tout ce qu'elle fait est simple, et en même temps, Rue du Docteur, je sais pas quoi, rue du Docteur, je sais pas quoi, qui se retrouve quasiment à la rue en trois jours avec ses chaussures qui tiennent boucle, tout ça dans le swinging Paris de Saint-Germain-des-Prés, tu vois. C'est des films, tu te dis. Mais tu sais, très longtemps, moi j'ai pensé que Éric Rohmer et Jacques Rivette étaient les réalisateurs les plus jeunes qu'on ait en vie. Mais parce qu'à chaque fois, leurs films sortaient étaient les plus inventifs. C'était d'avant-garde. Ouais. Et puis dans la vie. Dans la vie des gens d'aujourd'hui, tout en étant extrêmement cultivé, extrêmement référencé. Enfin voilà, ça c'est des gens passionnants. Moi, je ne sais pas comment je suis appelée là-dessus. C'est Bernard avec ou sans chaussettes. Ouais, c'est drôle. Ouais. Et tout, je ne sais pas comment je suis appelée. J'ai acheté le DVD. Je l'ai commandé. Mais quel film, il y a des films comme ça qui nous arrivent. Moi, c'est parce que c'est l'oralité qui me plaît là-dedans. C'est aussi Proutet. C'est la poésie. Oui, c'est ça, moi c'est ce que j'adore dans le cinéma, c'est que d'un seul coup tu rentres dans un univers, je te dis, c'est cette personne-là qui a fait le film, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Quoi. Mais qu'est-ce que fait le réalisateur aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais alors après, voilà, le fait qu'il y ait de plus en plus de films comme ça qui se fassent à la marge, en numérique forcément, hein, parce que pas de moyen de faire de la pellicule. Moi j'ai plein de copains qui font des films, maintenant qui ont fait des premiers films dans le système et qui n'ont jamais réussi à faire le second film dans le système et qui du coup font des films totalement à la marge, donc vraiment de l'autoproduction, ça, et qui du coup le montrent dans des cafés, tu vois, dans plein d'endroits. En fait, il y a plein d'endroits alternatifs qui se développent à Paris. Oui, voilà. Tu vois, des associations comme ça, ou en tout cas, tu arrives à te faire programmer en province en passant par une association de cinéphiles qui a envie de voir ton film. Ils ont même fait des films appli, hein, avec... C'est quand même extraordinaire, pas besoin de budget. C'est ça, et là-dedans, tu as vraiment des pépites. C'est-à-dire que dans ce coup, tu retrouves ce plaisir du cinéma d'auteur où la personne fait ce qui lui tient à cœur sans que personne vienne lui dire « Attends, ça c'est passé, attends, ça va déplaire, attends, ça c'est pas beau du Nord, attends, ça se fait pas, c'est un peu... » Là, tu retrouves une liberté vraiment de création. Et avec le film, c'est le film. fiscalisateur et point. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, moi, souvent, je leur dis, je suis libérée de travail, quand je viens présenter un projet et puis que je comprends qu'en face, c'est pas dans les clous. Je leur dis, mais moi, si j'avais voulu, en plus, moi, j'ai fait Sciences Po. C'était un deal avec mes parents. Je faisais des études de cinéma, ok, mais je faisais Sciences Po aussi. La sécurité est là. Oui, mais sauf que comme j'en ai rien fait, aujourd'hui, je voudrais bosser grâce à Sciences Po, je pourrais pas, ça sert à rien. Parti dans le fusée.